La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré, une chaîne de montagnes qui s'étend sur 64 000 km, surplombant d'immenses plaines, balafrées par endroits par des fosses vertigineuses. Et dans ce décor grandiose, ennoyé sous plus d'un milliard de kilomètres cubes d'eau, évoluent des formes de vie étranges, d'une diversité incroyable. L'océan est un monde fascinant auquel on accède difficilement et qui réserve bien des surprises à ceux qui s'y aventurent. À l'occasion de l'ouverture de la nouvelle exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle, intitulée « Océan, une plongée insolite », aujourd'hui nous vous proposons de partir à la découverte de ce monde encore largement méconnu. Je vous présente nos compagnons de plongée dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour. Le blob revient à la une de la science et il est toujours aussi étonnant. Et oui, il est toujours jaune, toujours visqueux. Physarum polycéphalum, c'est notre organisme unicellulaire préféré. On sait maintenant comment il mémorise et c'est dans un instant. Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Céline Hilla et préparé par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Autour de la table, Anne-Camille Bouillet, une des conceptrices de l'exposition Océan, une plongée insolite qui a ouvert ses portes il y a une quinzaine de jours dans la grande galerie de l'évolution du Muséum à Paris. Bruce Chilito, biologiste à Sorbonne Université, spécialiste de la vie dans les grandes profondeurs, dans les grands fonds marins. Et puis en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Bourgogne, Bruno David, biologiste marin et président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bruno David, ça paraît étonnant à l'heure où des sondes ont été envoyées sur toutes les planètes du système solaire, mais l'océan de notre propre planète reste un milieu très mal connu et largement inexploré. Oui, bien sûr, parce que nous sommes des animaux terrestres, Homo sapiens, nous, les hommes. Oui. Et donc, c'est très difficile d'aller dans l'eau. Il faut savoir qu'au-delà, en gros, d'un mètre de profondeur, nos muscles pectoraux sont incapables de nous aider à respirer, de nous faire respirer, même si on avait un tuba suffisamment long. Donc ça nous donne bien les limites de notre physiologie. Et il y a en gros trois personnes dans le monde, depuis les origines, qui sont descendues au-delà de 10 000 mètres de profondeur dans l'océan, alors qu'il y en a 12 qui sont allées sur la Lune. Ouais. Donc rien que ces chiffres, ça vous donne la difficulté d'accès à l'océan. C'est pourtant le milieu majoritaire sur notre planète, hein. 71% de la surface du globe recouvert par ces océans. Et si on raisonne en volume, c'est encore davantage. Oui, c'est 96% du volume offert à la vie sur Terre, parce que la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3700 mètres, que ça représente un volume gigantesque, et la vie occupe tout l'espace à l'intérieur de ce volume, même si c'est beaucoup de vie microscopique aussi, ou des vies qui n'est pas forcément dense, alors que sur les continents, on occupe en gros 100 à 200 mètres avec les oiseaux qui volent dans le ciel, et même si la surface des continents est cabossée, le volume offert à la vie sur les continents est beaucoup, beaucoup plus faible. Ça représente seulement 4% du volume offert à la vie sur Terre. Et Anne-Camille Bouillet, vous aviez envie de vous intéresser dans cette exposition, cette nouvelle exposition du Muséum, aux formes de vie les plus inattendues. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de baleines, de requins ou de dauphins dans cette exposition, mais on voit des choses bien plus surprenantes, finalement. Oui, c'était tout à fait l'enjeu, en fait. C'était de s'éloigner de ces figures familières et de donner à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, soit parce qu'elles sont difficiles à percevoir, tout ce qui est organismes microscopiques, ou alors parce qu'elles sont dans des milieux très profonds ou des milieux polaires difficiles d'accès. Ouais, avec des bestioles assez étonnantes, il y a par exemple le régalec. Qu'est-ce que le régalec, qui a été découvert relativement récemment? Alors le régalec, en fait, on le connaît, mais sous forme d'animaux échoués, en fait, depuis assez longtemps. Il a même sans doute participé au mythe du serpent de mer. On peut l'imaginer tout à fait facilement une fois qu'on l'a vu. C'est un grand poisson, le plus grand poisson osseux connu, qui peut faire jusqu'à 8 mètres de long et qui a un comportement tout à fait extraordinaire, difficilement explicable par les scientifiques. Il nage à la verticale. Un ruban vertical comme ça qui pendouille dans l'océan, si j'ose dire. Un long ruban argenté, alors je dirais qu'il dérive plutôt qu'il pendouille. Et puis il fait une espèce de posture très étrange, une posture en croix, c'est-à-dire qu'il déploie ses nageoires caudales quand il est en présence d'un congénère. Les scientifiques savent pas vraiment expliquer pourquoi. Ou alors, il est aussi capable de s'auto-amputer, c'est-à-dire de se délester d'une partie de son corps. Et là encore... Ça reste assez mystérieux. Ouais. Bruno David, hein, c'était une de vos volontés, hein, que l'on voit ces animaux un peu étonnants, que l'on ne connaît pas forcément. Oui, je voulais vraiment que le visiteur soit à la fois surpris et aussi fasciné par la beauté de ce qu'on peut lui montrer. C'est absolument extraordinaire. Si je peux juste dire un mot sur le plancton, on invite le visiteur à rentrer dans une chambre circulaire assez vaste, hein, qu'on appelle nous le cyclotron, et on met le visiteur à l'échelle du goutte d'eau au milieu du plancton. Et si je peux donner une petite anecdote supplémentaire sur ce plancton, il faut imaginer que ces particules, ces animaux microscopiques ou ces végétaux microscopiques qui vivent dans le plancton, à notre échelle, c'est un petit peu comme si on les faisait nager dans une piscine de miel. Parce qu'il y a la viscosité qui est très importante, donc ils sont emportés par les courants, mais leur capacité à nager, à se déplacer est quasiment nulle, tellement la difficulté est grande. Alors on aura l'occasion d'y revenir. Ces formes merveilleuses. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir évidemment, hein, dans le cours de cette émission au plancton. Bruce Chilito, vos recherches à vous portent sur les organismes qui vivent dans les grandes profondeurs et qui ont à faire face à des conditions de vie qui semblent, pour nous, êtres humains, absolument extrêmes. Bah oui, tout à fait. On travaille beaucoup dans notre équipe sur les sources hydrothermales profondes, en fait, hein, qui sont en fait situées sur cette chaîne montagneuse dont vous parliez tout à l'heure, hein, les 60 et quelques mille kilomètres de dorsale océanique. Et nous essayons de comprendre comment ces animaux peuvent vivre à des grandes profondeurs sous très haute pression et en présence d'éléments chimiques qui sont réputés toxiques pour la plupart des organismes de la planète. On s'offre une plongée insolite dans l'océan, dans la tête au carré cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Cette phrase du Parrain 2 pourrait aussi s'appliquer au blob. Mathieu Vidard consacrait une émission à cet étrange être vivant il y a quelques jours. Et hasard du calendrier, le blob est aujourd'hui de retour à la une de la science. Axel Villard. Eh oui, Daniel, le blob est collant. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, petit rappel, ce n'est ni une plante, ni un champignon, ni même un animal. C'est un protiste, une seule cellule géante, jaune et visqueuse, capable d'apprendre et de communiquer. Aujourd'hui, les chercheurs qui l'étudient à Toulouse viennent de comprendre comment il mémorise, et c'est tellement simple que c'est presque frustrant de le découvrir comme ça. Bonjour Audrey Dussoutour. Bonjour. Alors c'est vous qui travaillez sur cette bestiole, vous êtes éthologiste au centre de recherche CNRS sur la cognition animale, et vous êtes avec nous en direct depuis les locaux de France Bleu à Toulouse. Alors avant de nous raconter vos dernières découvertes, un mot de cette drôle de créature que vous étudiez. Quand on dit qu'un unicellulaire est capable d'apprendre, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'a pas de cerveau, votre blob? Non, c'est ça. Alors, Physarum polycéphalum, de son vrai nom, c'est une cellule géante qui peut atteindre plusieurs mètres carrés, qui rampe dans les forêts, et comme tout organisme, elle doit s'adapter aux conditions environnementales, et on a découvert, donc, il y a 2 ans, qu'il était capable d'apprendre à ignorer des choses qu'il n'aimait pas dans l'environnement, et donc, nous, on avait étudié comme molécule le sel, et on avait montré que le blob était capable d'apprendre à ignorer le sel, et qu'il était capable de transmettre cette connaissance à un autre blob, ah oui, en tout simplement en fusionnant avec lui. Alors la fusion de blobs, ça c'est génial. Ça veut dire que 2 cellules se collent l'une à l'autre et elles deviennent un seul, ou après elles repartent chacune de leur côté? Non, elles deviennent un. Donc chez le blob, 1 plus 1, ça fait 1. Oui. Quand 2 blobs se trouvent côte à côte, en fait les membranes s'ouvrent et ils partagent tout. Alors cette fois, dans une nouvelle étude parue aujourd'hui même, vous allez un cran plus loin parce que vous ne compreniez pas ce mécanisme d'apprentissage. Là, vous percez cette manière de mémoriser et c'est très simple. Racontez-nous ce que vous avez découvert. Oui, alors en fait, on s'est aperçu que le blob, pour mémoriser, en fait, il avalait ce qu'il devait apprendre. Donc, comment on en est arrivé là? On s'était aperçu qu'en faisant fusionner des blobs, on avait des blobs qui étaient moins enthousiastes à la fusion quand ils étaient en contact avec un blob qui avait appris une substance un petit peu aversive. Donc, on s'est dit, peut-être quand le blob apprend, il mange tout simplement la substance qu'il doit apprendre à ignorer. Et donc, on est parti sur cette hypothèse. On a appris à des blobs à ignorer le sel. Et ensuite, on a dosé, en fait, la quantité de sel dans ces blobs. Et on s'est aperçu qu'ils étaient gorgés de sel. Des blobs habitués avaient 10 fois plus de sel à l'intérieur de la cellule que des blobs naïfs. Alors, donc là, on avait une belle corrélation entre le sel et l'apprentissage. On vous entend parler des blobs depuis tout à l'heure. À quoi est-ce qu'elles ressemblent, les expériences qui vous permettent de démontrer ces mécanismes? Parce qu'on n'a pas trop d'idées de la paillasse et des blobs sur la paillasse quand on vous écoute. Alors, pour apprendre des choses à un blob, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on lui, on lui fait traverser des environnements qui sont gorgés d'une substance qu'il n'aime pas, mais qui n'est pas nocive. Hein. Et dans le cas, c'est le sel. Donc, le blob doit explorer des environnements salés s'il veut obtenir sa nourriture. Mais ça avance à quelle vitesse quand vous dites on le fait traverser comme ça des environnements? Alors, à la vitesse record de 4 cm à l'heure. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Non, c'est extrêmement lent. Et petit à petit, quand on lui demande de refaire cette traversée d'un environnement salé, on s'aperçoit que finalement, au bout d'un moment, il s'y habitue et puis il traverse ces zones comme s'il n'y avait pas de sel. Enfin, 4 cm à l'heure pour un animal unicellulaire un peu informe, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Est-ce que votre blob est capable de mémoriser une autre aversion que celle au sel? Oui, on a démontré en laboratoire qu'il était capable de s'habituer à la quinine, qui est une substance qu'il y a dans les sodas souvent, à la caféine aussi, hein, que nous on aime bien, et à d'autres sels aussi. Enfin, il y a beaucoup de substances que le blob n'aime pas, donc on a l'embarras du choix. Donc vous dites, il gobe le sel et il garde la mémoire de qu'il ne l'aime pas, mais une fois qu'il est dedans, ce sel, à quoi est-ce que ça lui sert? Est-ce qu'il réagit ou est-ce qu'il est simplement là et c'est une mémoire? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc mesuré la concentration en sel dans les blobs une fois qu'ils étaient habitués, et ensuite on les a fait oublier cette habituation, parce que normalement un blob, s'il est plus du tout soumis au sel, il finit par l'oublier. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on le remet dans un environnement donc neutre, sans sel, une fois qu'il est habitué, la première chose qu'il fait, c'est de recracher ce sel. Donc clairement, il le stocke juste pendant l'habituation, et dès qu'il a une opportunité, il le recrache directement dans l'environnement, parce que ça peut être toxique, ce sel. Donc nous, on pense que le mécanisme qui rentre en jeu, c'est que le blob absorbe le sel pour diminuer en fait cette différence de concentration entre le milieu extérieur et le milieu intracellulaire pour ne plus réagir au sel. Alors Bruno David, vous souhaitez intervenir sur le blob? Oui, écoutez, c'est simplement pour changer un petit peu les habitudes de France Inter et faire une petite page de publicité pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, puisque sur le parc zoologique de Paris, d'Iseau de Vincennes, nous aurons le plaisir d'avoir un blob vivant qui sera présenté au public pour les vacances de la Toussaint, pour Halloween, alors pas pour faire peur. Et je remercie aussi Audrey Dussautour qui participe à cette aventure. Ouais. Et j'espère qu'on sera bien le premier zoo au monde à présenter un vrai blob. Quelle taille fera le blob que vous présenterez? Je pense qu'il sera pour le moment assez réduit, on ne va pas faire un blob gigantesque. Et puis il y aura toute une muséographie avec des murs tactiles, des choses comme ça, pour expliquer le comportement du blob. Et peut-être qu'on aura l'opportunité de parler de son aversion au sel, ça je ne sais pas encore. Axel Villard, une dernière question? Une dernière question, Audrey Dussautour, par rapport à cette aversion. Est-ce que cette mémoire par absorption, c'est vraiment nouveau dans le règne animal ou dans le règne du vivant? Est-ce que d'autres formes de vie pourraient utiliser cette stratégie? Mais on peut imaginer que ça peut se retrouver chez beaucoup d'organismes unicellulaires, puisque nous, dans notre expérience, on a montré ensuite que on a réussi à injecter un souvenir dans le blob, c'est-à-dire de vraiment juste injecter le sel directement pour provoquer cet apprentissage. Donc on peut imaginer que cette simple absorption dans la nature qui peut permettre justement de s'habituer à des éléments nocifs, on la retrouve par exemple chez des bactéries ou d'autres protistes. Merci beaucoup. Merci Audrey Dussautour et merci à Pauline André qui est à la technique à France Bleu Toulouse pour ce duplex. Axel, à demain. À demain Daniel. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'un des plus grands mammifères qu'ait connu la Terre vient d'être découvert dans les réserves d'un musée au Kenya. Les fossiles vieux de 23 millions d'années avaient été attribués par erreur il y a 10 ans à une autre espèce et étaient conservés depuis au musée national de Nairobi. Des dents grandes comme des bananes, une mâchoire et des os épais, Simba Kubwa, comme l'ont baptisé les chercheurs, était un mammifère 7 fois plus gros qu'un lion et pesait environ 1500 kilos. Cet hyper carnivore était certainement capable de s'attaquer à des animaux de la taille des éléphants et des hippopotames. Avec des canines comme celle-là, il pouvait cisailler la chair, tandis que ses molaires puissantes lui permettaient de casser les os, précisent les chercheurs. Les astronomes mettent enfin la main sur la première molécule de l'univers, imaginée par les modèles depuis des années, mais jamais détectée. L'hydrure d'hélium, association d'un atome d'hélium et d'hydrogène, était en théorie la première molécule à s'être formée après le Big Bang. En s'affranchissant de la gêne causée par l'atmosphère, les chercheurs de l'observatoire atmosphérique SOFIA ont finalement repéré les traces d'hydrure d'hélium dans la jeune nébuleuse planétaire NGC 7027, située à 3000 années-lumière de la Terre. Et pour terminer, le plastique peut aussi tomber du ciel. Dans les Pyrénées, une équipe de chercheurs franco-espagnols vient de faire une découverte pas franchement rassurante. En plaçant des collecteurs dans une zone reculée à 1400 mètres d'altitude, ils ont recueilli jusqu'à 365 morceaux de microplastique par mètre carré de terrain. Leur étude, publiée dans la revue Nature Geoscience, est une des premières du genre à être menée dans des zones aussi isolées. Les fragments minuscules mesurent entre 50 et 150 microns et voyageraient grâce au courant atmosphérique sur des centaines de kilomètres selon les auteurs. Dans un instant, on part à la découverte de la biodiversité méconnue des océans dans la tête au carré. Nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Féloche et Silbo, ce langage sifflé de la Gomera sur France Inter. La tête au carré sur France Inter. Et on explore l'océan à la rencontre de l'étonnant bestiaire qui le peuple cet après-midi avec nos invités. Anne-Camille Bouillet, une des conceptrices de l'exposition Océan, une plongée insolite qui vient d'ouvrir ses portes au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bruno David, biologiste marin et président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et Bruce Chilito, enseignant-chercheur à Sorbonne Université dans l'unité de recherche Biologie des organismes écosystèmes aquatiques. Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Vitesse d'alerte, en avant tous. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point, entre les yeux. 12 mètres de la surface, capitaine. Tenez-vous prêt. Un calmar géant aux prises avec le Nautilus dans 20 milieux sous les mers de Jules Verne, évidemment. Anne-Camille Bouillet, il existe vraiment ce calmar géant? Alors il existe vraiment et c'est vrai que dans l'exposition, la dernière partie de l'exposition, on a voulu mettre en lumière justement tous ces animaux qui ont une réalité scientifique, mais qui ont aussi une dimension mythique extrêmement importante. Donc le calmar géant est un petit peu effectivement la star dans le domaine. Il existe vraiment et on présente d'ailleurs dans l'exposition un calmar géant réel. Alors plastinisé, c'est-à-dire qu'on lui a injecté un certain nombre de produits pour fixer les tissus. Mais ça permet de se rendre compte un petit peu de la taille de l'animal. Alors quelle taille fait-il, le calmar géant? Alors celui qu'on a, il fait 6-7 mètres, ce qui n'est pas monstrueux par rapport à des 18 mètres que peuvent atteindre certaines femelles. Là, c'est vraiment des tailles records. On a mis du temps avant de réussir à le filmer dans son élément, cet animal? Alors tout à fait. En fait, l'animal, il est connu maintenant, depuis le 19e siècle, assez bien à travers des spécimens échoués. Donc il a été étudié anatomiquement, mais d'un point de vue comportemental, il reste très mystérieux. Les premières images dans l'environnement, c'est 2012. Un japonais qui d'ailleurs avait pris déjà les premiers clichés de l'animal. Et on présente d'ailleurs dans l'exposition les fameuses images, le premier film et les rares images d'ailleurs existantes de l'animal. C'est l'histoire de sa vie à cet explorateur japonais de réussir à capter comme ça de façon assez fugace le calmar dans son élément, le calmar géant. Bruno David, comment expliquer qu'un animal aussi gros ait aussi longtemps échappé à l'observation des chercheurs? Mais c'est un petit peu comme pour le régalec, on savait qu'il existait parce qu'on avait des animaux échoués. Donc on avait même une idée de sa taille. On avait des traces sur des cachalots, parce que les cachalots se nourrissent des calmars, et donc les calmars se défendent contre les cachalots, et comme ils sont très gros, ils sont capables de se défendre. On avait des traces de ventouses sur les cachalots. Donc on savait bien qu'il existait, mais on ne l'avait jamais filmé dans son milieu, encore une fois, parce que c'est un milieu qui est très hostile pour l'homme. C'est très difficile d'y aller. Et puis la densité de population des calmars étant très faible, l'opportunité de tomber sur un calmar est quand même assez réduite. Bruno David, est-ce que l'on a une idée du nombre d'espèces encore inconnues qu'il reste à découvrir dans les océans? Alors ça, c'est une question évidemment assez difficile. Disons qu'on en décrit à peu près 2000 par an, donc ce qui est quand même énorme. Et on connaît en gros 300 à 400 000 espèces dans l'océan et on pense qu'il y en a à peu près 2 millions supplémentaires qui sont totalement inconnus. Et dans ces 2 millions, je ne compte même pas les organismes absolument microscopiques. La goélette Tara a fait une récolte énorme dans son tour du monde il y a quelques années et on estime qu'elle a découvert à peu près 1,5 million d'organismes microscopiques nouveaux qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas encore de nom parce qu'on n'a pas eu le temps de les baptiser. Alors, il n'y a pour autant pas plus d'espèces dans les océans que sur la terre ferme. C'est ce que l'on apprend en visitant l'exposition. Il y a plus d'espèces présentes sur Terre. Oui, il y a plus d'espèces présentes sur les continents, simplement parce que la diversité des environnements sur les continents est plus grande, et puis parce que la très grande diversité des espèces qu'on a sur les continents vient essentiellement des plantes et des insectes. Ouais. Et c'est cette histoire d'amour entre les plantes, sa fleur, et les insectes pollinisateurs, notamment les insectes en général d'ailleurs, qui a fait qu'il y a énormément d'espèces sur les continents. Dans les océans, il y a un brassage plus important, les espèces se mélangent plus facilement, le fluide les transporte, le fluide qui est l'eau les transporte à travers toute la planète. Et donc, c'est plus difficile de fabriquer des espèces, entre guillemets, par isolement géographique, en quelque sorte. Alors, la diversité, en revanche, Anne-Camille Bouillet, la diversité des formes de vie est plus importante dans les océans. On s'en rend compte grâce aux superbes images que l'on peut voir dans l'exposition. Il y a des formes, on a l'impression que ça sort tout droit de films de science-fiction. C'est assez incroyable. Ah, on pourrait penser que c'est de l'animation. Alors, toutes les images qu'on présente dans l'exposition sont bien réelles. Ouais. Oui, il y a des formes complètement incroyables. On a voulu aussi montrer à travers des spécimens, puisque ça, c'était aussi un enjeu de l'exposition. On est au muséum et on voulait avoir des spécimens réels. On a voulu montrer aussi cette diversité, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, on a des poissons, des choses qui ressemblent un petit peu plus à des animaux connus, mais aussi des invertébrés marins tout à fait étonnants. Et puis, on peut s'émerveiller de tout, comme par exemple du plancton. Tiens, je vous propose d'écouter un biologiste au CNRS, spécialiste du plancton, Colomban de Vargas, qui, justement, à la sortie d'une récolte effectuée par la mission Tara, s'émerveille devant son microscope des toutes petites formes de vie planctoniques qu'il observe. Ça, c'est une diatomée. Tout ce que vous voyez, cette structure-là, c'est fait en verre. Et donc, ils arrivent à faire ce verre à la température de l'eau de mer. Nous, pour faire du verre, on fait chauffer du sable à 1000 degrés. Eux, ils arrivent à faire des trucs magnifiques à la température de l'eau de mer. On ne sait pas exactement comment ils le font, c'est assez miraculeux. Ça, c'est une petite cellule qui s'appelle un coccolithophore. Et vous voyez que ces petites plaques, en fait, là, probablement que l'ouverture ici, on ne sait pas encore exactement, mais ça permettrait d'empêcher l'UV de pénétrer dans la cellule. Donc, c'est en fait des protections, c'est des crèmes solaires pour cellules. Et ça a des applications énormes, parce que chacune de ces petites cellules a inventé des petites structures pour faire quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un laboratoire, c'est une caverne d'Ali Baba pour toutes sortes de technologies, de nanotechnologies. Ça, c'est des dinoflagellés. Alors ces cellules-là peuvent être très toxiques, donc elles ont des propriétés chimiques très très intéressantes. Parfois, souvent, vous savez, c'est dans les produits toxiques qu'on va trouver aussi le médicament. Le biologiste Colomban de Vargas, Bruno David, c'est un véritable trésor, tout ce plancton pour les scientifiques. Ah, c'est extraordinaire. D'abord, comme le disait Anne-Camille, c'est absolument magnifique, c'est très très très beau. Et puis il faut comprendre que le plancton, il y a du plancton végétal, il y a du plancton animal, donc ce sont des animaux qui à l'état adulte sont microscopiques, sont unicellulaires, il y a une seule cellule. Mais dans le plancton, il y a également toutes les larves d'organismes qui à l'état adulte sont des organismes plus gros, qui vivent sur le fond, et leur phase larvaire, ça leur permet de se disperser. Mmh. On peut penser aux oursins, on peut penser aux crabes, à différents types de crustacés, on peut penser à des mollusques. Et tout ça, ça participe à la diversité incroyable du plancton avec ses formes absolument fascinantes qu'on peut trouver un petit peu partout. On peut être plancton à un stade de sa vie, mais ne pas l'être toute sa vie, c'est ce que vous dites. Bien sûr, ouais. Bien sûr, je vais parler des oursins parce que vous savez peut-être... Vous êtes un spécialiste des oursins. Donc, y a, chez la plupart des espèces d'oursins, bon, les gamètes, donc les spermatozoïdes chez les mâles et puis les ovules sont émis par les femelles. Il va y avoir une fécondation externe dans l'eau de mer. Et puis, ça va se transformer en une petite larve qui va mener sa vie dans le plancton pendant plusieurs semaines, qui va être dispersée par les courants et qui va éventuellement trouver un endroit où se poser. Il faut savoir que 90% de ces larves vont mourir, ne vont pas donner un oursin adulte, bien sûr, parce que sinon on sera envahi par ces animaux-là et par bien d'autres. Et puis, voilà, ça y a un cycle de vie avec une phase planctonique. Mmh. Et puis, si j'ai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je vous parlerai d'oursins dans l'Antarctique, dans les eaux très très froides, qui ont un autre comportement. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir. Parlez-nous aussi du phytoplancton qui a un rôle dans la formation des nuages. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a des espèces de phytoplancton qui produisent une molécule qui, en abrégé, s'appelle DMS. Et ces DMS, une fois produits, vont servir de point d'ancrage pour la vapeur d'eau qui va ainsi former une petite gouttelette. Et les nuages sont formés de gouttelettes d'eau. Donc quand il fait beau, ce phytoplancton va se développer énormément. Il va y avoir beaucoup de DMS fabriqués. Et avec l'évaporation de l'eau, il va y avoir beaucoup de nuages qui vont se fabriquer grâce à ce phytoplancton. Mmh. Et puis donc s'il y a beaucoup de nuages, il va faire mauvais. Donc le phytoplancton va diminuer parce que leur cycle de vie est très court. Et comme il fera moins beau, la synthèse chlorophyllienne sera plus faible et il y aura moins de phytoplancton. Donc il y aura moins de DMS, donc il y aura moins de nuages, donc il va refaire beau. Et vous voyez qu'on est dans une sorte de cycle vertueux où le phytoplancton va participer à fabriquer la nébulosité qui nous est si nécessaire. Ouais, et le plancton fournit aussi, Anne-Camille Bouillet, fournit aussi l'oxygène, une bonne partie de l'oxygène que nous respirons. Nous lui devons la vie. Une respiration sur deux à peu près, oui. Oui, c'est ça. La moitié de l'oxygène fourni par le plancton. On n'y pense pas assez, on lui doit beaucoup à ce plancton. Bruce Chilito, vous êtes un spécialiste des grands fonds. Vous avez effectué de nombreuses plongées à bord du Nautile, ce sous-marin qui permet vraiment d'aller explorer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Et en chemin, vous en croisez des formes de vie étranges. Qu'est-ce qu'on peut observer dans les grands fonds? Alors, c'est quand nous travaillons principalement donc sur le fond des océans. Hein, je vous parlais tout à l'heure des sources hydrothermales, mais quand on est amené à faire une plongée en submersible comme habité comme le Nautile, on croise des strates, on croise des couches qui sont véritablement féeriques, c'est-à-dire que ça clignote, sont des organismes qu'on a du mal à identifier. Hein. D'ailleurs, des études récentes montrent que dans notre colonne d'eau et quasiment jusqu'au fond des mers, une grande partie des organismes qu'on trouve sont capables de bioluminescence. Et ça a été montré avec des études vidéo sur de nombreuses années. Et écoutez, j'aurais du mal à vous décrire en détail ce qu'on observe, mais en tout cas, c'est extraordinaire. Même si on va travailler au fond sur un autre endroit, au passage, on ouvre grand les yeux par le hublot parce que le spectacle est extraordinaire. Ouais. Et Anne-Camille, on voit aussi dans cette exposition des animaux avec des yeux globuleux. Enfin, il y a des formes de vie assez déroutantes pour nous terriens qui vivons sur la terre ferme. Oui, on a des adaptations étonnantes à des conditions qualifier d'extrême en tous les cas pour nous. C'est vrai qu'il faut imaginer quand même qu'à partir à peu près de 200 mètres sous la surface, il y a très peu de lumière solaire qui pénètre. Et puis à 1000 mètres, c'est le noir profond. Alors, noir profond, pas tout à fait. Oui. Puis c'est à relativiser puisqu'il y a effectivement ces organismes bioluminescents. Ouais, ces lueurs. On poursuit notre exploration de l'océan avec les invités de la Tête au Carré. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Just talk, can we just talk about where we're going before we get lost, and be our thoughts, can't get what we want without knowing. I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far, can we just talk, can we just talk, figure out where we're going, yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you're wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. No, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Before we get lost, and be our thoughts, can't get what we want without. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk about it? If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. C'était Khalid Talk sur France Inter. La Tête au Carré, Daniel Fievé. À bord du cargo Scaldis vient d'être embarqué le Batiscaf, cette sphère d'exploration sous-marine construite par le professeur Picard. La reine Elisabeth de Belgique est venue féliciter le grand savant et son compagnon, le professeur Cosen. Bientôt, les hardis explorateurs descendront à quelques 6000 mètres dans la mer pour arracher de nouveaux secrets au mystère des grands fonds marins. Et nous poursuivons notre exploration des océans avec Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruce Chilito, chercheur à Sorbonne Université, et Anne-Camille Bouillet, une des conceptrices de l'exposition Océan, une plongée insolite au Muséum National d'Histoire Naturelle dans la Grande Galerie de l'Évolution. Anne-Camille, on entendait hein, cette annonce délicieusement surannée. Nous étions le 26 août 1953. Jacques Picard, Auguste Picard, qui a battu de nombreux records en matière de plongée. Il appartient vraiment à l'histoire en matière de plongée. Oui, et puis il faut imaginer quand même que c'était des fous furieux, quoi. Ces pionniers, beaucoup ont dû y laisser leur peau, j'imagine, avant qu'on arrive à descendre à ces profondeurs. Mais c'est impressionnant. Oui, avec son fils, Jacques Picard, qui en janvier 1960, je crois, avec Don Walsh, qui atteint pour la première fois... Le point le plus bas connu, donc 10 900, enfin entre 10 000 et 11 000 mètres. Voilà, presque 11 kilomètres de profondeur au fond de la fosse des Mariannes. C'est le record absolu, on ne descendra pas plus bas. Bah, a priori, sauf si on découvre un point plus bas, mais c'est le plus bas connu aujourd'hui. Donc... Mais James Cameron, en 2012, a réitéré l'exploit, hein, puisqu'il a lui-même, avec un submersible, un occupant, c'est-à-dire lui-même, a réitéré la même chose. Il est redescendu au fond de la fosse des Mariannes, il y a quelques années cela. Ouais. Mais Bruce Chilito, quand on est à ces profondeurs-là, la pression à laquelle on a à faire face est impressionnante. Oui, alors là, vous et moi, tel qu'on est là, on subit la pression atmosphérique, c'est-à-dire il y a à peu près 1 kg par centimètre carré de la colonne d'air qui nous surplombe. Dès qu'on va dans l'eau, on est soumis au poids de la colonne d'eau qui est au-dessus de nous, et on se rajoute 1 kg par centimètre carré chaque fois qu'on franchit 10 mètres. Et donc on se retrouve, si on reprend la fosse des Mariannes, au fond de la fosse des Mariannes, on a à peu près un peu plus d'une tonne, 1 tonne par centimètre carré qui s'exerce. Et donc faut imaginer, vous pouvez, si vous prenez par exemple l'ongle de votre orteil de pied, le gros orteil, ça fait à peu près 7 centimètres carrés. C'est comme si vous aviez un éléphant d'Afrique qui venait monter sur votre orteil de pied. Oui. Voilà. Vous avez des ongles de 7 centimètres carrés. Vous avez des très grands ongles de pied. Le grand orteil, je pense que ça fait à peu près ça. Très bien. Comment se composent les reliefs océaniques, Bruno David? Ah, les reliefs océaniques, c'est totalement lié à la tectonique des plaques. C'est comme les reliefs terrestres. Donc, en gros, il y a différents types de reliefs. Il y a des reliefs avec une ride au centre de l'océan où les deux plaques de part et d'autre de cette ride vont s'écarter l'une de l'autre, parce que c'est ce qui se passe au milieu de l'Atlantique, c'est là où sont les sources hydrothermales dont parlait Bruce tout à l'heure. Et puis il y a d'autres reliefs qui peuvent se créer quand une plaque va plonger sous une autre, ce qu'on appelle une zone de subduction, et à différents endroits c'est ça qui peut créer des fosses, comme celle des Mariannes, celle des Caïmans dans les Antilles, ou au large du Pérou, il y a une fosse également qui s'installe quand on a la plaque Nazca qui va plonger sous la plaque de l'Amérique du Sud. Et quand on est à des profondeurs comme les fosses des Mariannes, à 11 km de profondeur, on trouve encore des formes de vie ? Oui, il y a de la vie à toutes les profondeurs. Alors là, il y a une anecdote amusante. En 1840 ou 41, il y a un Anglais, Forbes, qui fait une campagne dans la mer Égée et qui constate que la vie s'appauvrit avec la profondeur. Et il fait une prédiction en disant au-delà de 500 ou 600 mètres de profondeur, il n'y a plus de vie. Et puis quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, il y a le câble qui permettait de faire la connexion entre la Sardaigne et l'Afrique du Nord qui se rompt. On remonte ce câble télégraphique et on s'aperçoit qu'il y a des animaux fixés sur ce câble dans des portions qui étaient à 2000 mètres de profondeur. Et c'est un professeur au muséum, Milne Edwards, un Français, malgré son nom anglais, qui dit Forbes s'est trompé. Donc les Anglais ont été un petit peu piqués au vif, sans doute, à cette époque, par ça. Et c'est eux qui ont diligenté les premières grandes expéditions océaniques en milieu profond. Et très rapidement, dans les années 1870, on a récupéré des animaux qui venaient de 7 ou 8 000 mètres de profondeur par des chalutages et des dragages. Alors on n'y allait pas directement, mais on envoyait un chalut avec un très long câble et on ramassait des animaux à de très grandes profondeurs. Et on a tout de suite vu qu'il y avait de la vie à toutes les profondeurs. Pas nécessairement abondante, mais à toutes les profondeurs. Bruce Chilito, ça a aussi été une révolution pour les biologistes quand on a découvert ces sources hydrothermales. Donc qui se situent sur les dorsales océaniques, ces chaînes de montagnes océaniques dont on parlait. Nous étions dans les années 70. Des années 70. Et alors là, le choc. Et alors oui, là c'est un choc. Et puis alors ce qui est super, c'est que c'est quelque chose qui... Il y a la découverte en soi, la découverte des écosystèmes hydrothermaux qui pose de nombreuses questions aux biologistes. On trouve des densités, des biomasses qui sont très importantes dans un milieu qu'on pensait être assez désertique. Mais surtout aussi, ça va relancer tout l'effort d'exploration de l'océan profond. Et on se met justement à se dire, si on allait voir ailleurs que sur ces dorsales, est-ce qu'il y a d'autres choses? On va se mettre à découvrir, par exemple, tous les écosystèmes liés au bois coulé, qui dans les régions tropicales s'entassent dans des canyons ou dans des endroits profonds, ou bien le devenir des carcasses de grands vertébrés, comme les baleines, qui la plupart du temps, lorsqu'on ne les chasse pas, finissent leur vie, le cadavre finit sa vie sur une plaine abyssale, aux alentours des 4000 mètres. Alors, Mireille vous demande, justement, Bruce, pourquoi ne pas remorquer au large les cétacés échoués afin de les nourrir avec cette biodiversité? On pourrait, dit-elle, plutôt que de transporter dans des centres d'écarissage ces carcasses, nourrir la biodiversité des océans. C'est une très bonne idée, puisque en fait, c'est ce qui se passait, la plupart du temps, avant qu'on ne rentre, nous, notre société humaine, dans l'ère de la chasse baleinière qui a duré 3 siècles. La plupart de ces grands vertébrés finissaient leur vie au fond des océans et donc alimentaient on l'a découvert ça, il y a peu, alimentait toute une faune complètement endémique, complètement dépendante de ces cadavres de baleines. Mmh. Et bien heureusement, maintenant avec le moratoire de la pêche baleinière qui a lieu, je crois qu'au début des années 80, on reconstitue les stocks de ces cétacés. Et donc au final, c'est un peu comme si on avait réouvert un robinet vers les abysses. On a recommencé en fait à peut-être fournir quelque chose aux populations profondes, mais qui néanmoins ont peut-être disparu pour certaines sans même qu'on le sache. Et alors, pour revenir à ces sources hydrothermales, c'est un peu différent. Là, ce ne sont pas les cadavres de baleines qui nourrissent. Et on n'a pas vraiment décrit, mais il faut imaginer des sortes de petits geysers sous-marins. Autour de ces cheminées sous-marines sont agglutinées une richesse folle. C'est vraiment des oasis de biodiversité au milieu de ces chaînes de montagnes. De quoi, là, il n'y a pas de photosynthèse possible. On est dans l'obscurité absolue. Qu'est-ce qui est à la base de ces écosystèmes? Alors, le secret de ces écosystèmes, c'est justement à l'opposé de la photosynthèse. Donc, l'énergie primaire, c'est le soleil. Là, c'est la chimiosynthèse. C'est-à-dire que c'est l'énergie chimique, en fait, de composés et principalement de sulfure qui viennent, en fait, de la croûte sous-jacente et qui viennent à travers le fluide hydrothermal. Et donc là, des bactéries vont utiliser cette énergie chimique d'oxydation des sulfures qui va être l'équivalent de l'énergie solaire dans les milieux terrestres, pour fixer du carbone. Ouais. Et fixer du carbone, ça veut dire construire de la vie. Et autour de ça, un tas d'autres espèces vont prospérer. Et on découvre, depuis on en a découvert un peu partout ailleurs, mais ouais, là c'était vraiment phénoménal et très impressionnant dans le milieu hydrothermaux, des animaux dits symbiotiques. C'est-à-dire que dans leurs propres cellules, ils hébergent des bactéries. Et plutôt que d'avoir, comme beaucoup d'autres animaux, une bouche, un système digestif et un anus, à la place de ça, on met un tissu qui est en fait rempli de bactéries qui, elles, vont faire le boulot de capter le carbone grâce à l'énergie d'oxydation des sulfures. Ouais. Bruno David, à chaque fois, ce sont des adaptations assez incroyables qui se développent au fond de ces océans pour faire face à des conditions extrêmes. On a le cas aussi avec l'océan qui borde l'Antarctique, donc des eaux glacées. Et là aussi, on trouve beaucoup de biodiversité et même des oursins. Oui, bon d'abord, il faut savoir que la vie aime beaucoup les eaux froides parce qu'il y a plus d'oxygène dissous dans les eaux froides que dans les eaux chaudes et la vie quand même raffole des eaux froides. Ouais. Donc là, on va trouver des oursins un petit peu bizarres et au lieu d'émettre leurs gamètes dans l'eau de mer, comme je disais tout à l'heure, on va avoir des oursins dont les mamans oursins vont avoir des poches sur le dos et vont abriter les jeunes sur leur dos, un petit peu à la manière des kangourous. On appelle ça des oursins kangourous. Ce qui fait qu'il y a un soin parental en quelque sorte chez des animaux pour lesquels on ne pense pas a priori à du soin parental. Et puis, il y a quand même une température de l'eau qui est très très faible, très très basse, oui, puisqu'on est en dessous de 0 degré, puisque c'est de l'eau salée, elle gèle à moins 1,9. Et on a des poissons dont les fluides internes sont moins salés. Et donc, ils fabriquent des protéines antigèles pour éviter que leurs fluides internes ne gèlent. Donc, c'est une adaptation très très particulière. On a des poissons qui n'ont pas d'hémoglobine, qui sont capables de respirer et de transporter l'oxygène vers leur corps, vers leurs différents organes, sans hémoglobine, très adapté à l'eau froide. Vous voyez, il y a des adaptations absolument incroyables dans cet océan austral autour de l'Antarctique. Anne-Camille Bouillet, Guillaume vous demande, en l'absence de lumière, comment les organismes se déplacent-ils et surtout se repèrent-ils dans le fond des océans? Alors, ils vont se repérer pas mal par rapport aux vibrations. Enfin, ça, c'est une des explications. Après, je ne sais pas, Bruce, par l'odeur aussi, certainement. Et puis j'imagine qu'il y a d'autres adaptations. Je me tourne vers Bruce Chilito. Oui, alors sans lumière, la vision c'est un des sens, mais l'olfaction, les capacités sensorielles autres que la vision, elles sont développées chez les animaux des profondeurs. Et on pense qu'effectivement le signal olfactif, le signal chimique, c'est quelque chose de très important. Et ceci dit, faut pas non plus complètement mettre de côté la vision, puisque la bioluminescence, on s'aperçoit de plus en plus que l'océan c'est quelque chose de noir, l'océan profond, c'est de moins en moins vrai. Ouais. La lumière, elle existe, elle est d'origine animale, ouais, et que donc il y a toute une société, ouais, de vie qui se développe autour de signal lumière, et donc la vision, elle aussi, elle a une importance en fait en milieu très profond, oui, même si c'est tout noir. S'ils émettent ces signaux lumineux, c'est que d'autres espèces doivent pouvoir les capter. Il y a une fonction. On a par exemple un requin, un petit requin des grands fonds dans l'exposition qui a une vision particulièrement développée, une sensibilité tout à fait accrue à la lumière. On va s'intéresser dans la dernière partie de l'émission aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'océan et puis vous répondrez aux questions des auditeurs de La Tête au Carré. Reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien? Comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil. Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source? Poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor, va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles. Mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début? C'était Renan Luce qui chantait au début. La programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin. La Tête au Carré. Non, c'est pas une galatée, c'est un crabe en fait, c'est une famille des crabes. C'est quoi ça? C'est une espèce. Ça, c'est un sac, là. C'est un macro déchet là. Ouais, déchet. Ouais. Le passerelle de Victor. Tu peux corriger ta route au 340. 340, ok. Merci. C'est un déchet, ça. Oui. Deux déchets. Et il y en a même un troisième là, tu peux mettre trois. Si vous pouvez nous le prendre, le déchet, je suis preneur. Le biologiste océanographe François Galgani, qui était aux commandes du Victor 6000, un robot téléopéré qui permet comme ça d'aller observer et fouiller le fond des océans, toujours pour cette plongée insolite. Nous sommes en compagnie d'Anne-Camille Bouillet, l'une des conceptrices de l'exposition Océan au Muséum à Paris, Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle et biologiste marin, et Bruce Chilito, biologiste à Sorbonne Université. Bruno David, il vous est arrivé à vous aussi, en explorant les fonds marins, d'être surpris d'observer la pollution humaine à des profondeurs et dans des lieux que vous pensiez préservés? Oui, une des expériences les plus étonnantes que j'ai vécues, et j'ai encore d'ailleurs complètement les images en tête. Comme Bruce, j'ai eu la chance de plonger avec le Nautil, certes moins souvent que lui malheureusement, et j'ai plongé sur la marge du Pérou, au large du Pérou, c'est-à-dire au milieu de nulle part, parce qu'il n'y a pas de rivière qui apporte des choses particulières. C'est un endroit, le continent est assez désertique à cet endroit-là. Et on descend avec le Nautil à 2500 mètres de fond, j'allais bien sûr chercher des oursins. Et au bout de quelques minutes de navigation, on est à 2500 mètres, au large de rien du tout, et on tombe sur un seau en plastique. Beige. Je me rappelle très bien de la couleur. Il y avait un bout de corde attaché après ce seau. Et j'ai gardé ça en image. Enfin, j'ai l'image complètement en tête, tellement j'ai été étonné de trouver ça là. Parce que c'était vraiment la trace que l'homme, je suis désolé de le dire, mais met ses cochonneries partout sur la planète. Il y en a absolument partout. Il n'y a rien d'épargné. Ouais. Même les endroits les plus étonnants sont finalement soumis à la pollution. Bruce Chilito, vous avez des expériences similaires, vous aussi ? C'est-à-dire que ouais, dès qu'on, j'ai fait une plongée il y a 3 ans de ça au large dans la Méditerranée, au large de Toulon, et c'est vrai que bon, bah au bout d'un moment, on finit par arrêter de compter les morceaux de plastique ou les divers déchets qu'on croise. Hein, donc dans certains endroits, c'est assez inquiétant. Je pense que en particulier la Méditerranée est une mer fermée, hein, qui concentre encore plus, d'autant qu'il y a une histoire humaine tout autour qui fait qu'il y a une présence humaine et donc forcément des certain nombre de déchets qui s'accumulent. Et oui, effectivement, j'ai une expérience tout à fait analogue. Ouais. Bruno David, Paul vous demande, est-ce que les microplastiques représentent une réelle menace ? Ah oui, c'est vrai. Et y compris d'ailleurs pour des animaux qui ne sont pas forcément marins. Par exemple, en Écosse, les populations de fulmars, qui sont des oiseaux marins, mais des oiseaux quand même, ont diminué de 30% parce que ces oiseaux ingèrent des microbilles de plastique qui se retrouvent échouées sur les plages, qu'on appelle des larmes de sirène. Eux, ils ont l'impression d'avoir bien mangé, d'avoir l'estomac bien rempli, mais en fait, en capacité nutritive, c'est zéro. Et donc, finalement, ils meurent de faim. Ouais. Autre menace qui pèse sur ces océans, autre que la pollution plastique qui est majeure et généralisée, il y a aussi l'acidification des océans. On parle souvent de l'acidification des océans comme l'autre problème du CO2 après l'augmentation de l'effet de serre, Bruno David. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a du CO2 qui se retrouve dissous dans l'océan et ça fait diminuer son pH, c'est-à-dire que l'océan s'acidifie, entre guillemets, parce qu'il n'est pas acide, hein, on ne craint rien en se nageant. Mais les organismes dont on parlait tout à l'heure, dont Colomban de Vargas parlait tout à l'heure, avec ses squelettes absolument merveilleux, et comment font-ils pour fabriquer ces squelettes ? Ça demande des ressources, de l'énergie, pour construire un squelette avec du carbonate, avec du calcaire. Et si l'océan est plus acide, il faudra plus d'énergie pour fabriquer le même squelette, tant que ça sera possible. Et si les organismes allouent leurs ressources à fabriquer ce squelette, ils ne l'allouent pas à leur survie ou à leur nutrition. Et donc certaines espèces, notamment planctoniques, sont véritablement en danger. Oui. Et alors l'exploitation minière, dans quelle mesure pèse-t-elle aussi sur la biodiversité des océans, Bruno David ? Ah ben, je vais rejoindre, je pense que la Bruce va être d'accord avec moi, je pense, stop, on n'exploite pas les sources hydrothermales, même s'il y a tout ce qu'il faut pour faire des téléphones portables à l'intérieur. On n'exploite pas les monts sous-marins également avec leurs réserves minérales extraordinaires, parce que ce sont des environnements qui sont beaucoup trop précieux, beaucoup trop rares sur la planète, et il ne faut pas y toucher. Franchement, c'est un cri d'alerte que je lance. Alors, à la limite, on peut exploiter les plaines abyssales parce qu'il y a des nodules polymétalliques sur des vastes surfaces. Et on peut faire ça à peu près correctement si on a vraiment cette avidité de tout exploiter. Mais par pitié, ne touchons pas aux sources hydrothermales ni aux monts sous-marins. Bruce Chilito, il y a une autre alerte que vous vouliez lancer. Alors que, effectivement, la biodiversité de ces océans est en danger, on la connaît encore très mal. Et dans les années à venir, vous pourriez être de moins en moins équipé pour aller l'observer. Notamment le sous-marin à bord duquel vous avez fait de nombreuses plongées, ces heures seraient comptées à ce Nautil. Oui, oui. Alors donc on est, comme disait Bruno, dans une époque où en fait notre société est en train de lorgner vers les profondeurs sur des ressources minières. Il faut impérativement que les communautés scientifiques continuent l'exploration parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre et à connaître et à décrire ce mystérieux et gigantesque environnement. Et ben pour faire ça, on a besoin d'outils et on a besoin d'engins submersibles. La France a la chance d'avoir deux superbes engins, un robot et le Nautil qui est un sous-marin habité. Et nous venons d'apprendre il y a quelques mois seulement que nos pouvoirs publics avaient décidé de mettre à la casse, comme certains ont dit, le Nautile en 2024. Donc ça, c'est dans 5 ans, ça va arriver vite. Alors, au nom de la communauté scientifique, hein, j'aimerais exprimer cette inquiétude qu'on a. On aimerait bien pouvoir, 5 ans, c'est pas tout de suite, on peut peut-être revenir en arrière sur cette décision. Alors, qu'on comprenne bien à quoi il sert ce Nautile, parce qu'il a de multiples fonctions, finalement. Oui, tout à fait. Alors, donc, on se replace dans le contexte, on parle d'un milliard de kilomètres cubes à explorer au bas mot, hein, l'océan profond. Cette colonne d'eau, il faut absolument qu'on ait des engins pour le faire. Alors, on fait partie des nations qui ont le plus de moyens. Mais on n'en a que deux, donc vous voyez, deux submersibles. Les scientifiques sont d'accord pour dire que l'intervention robotisée est très importante, mais l'intervention humaine aussi est fondamentale. On a besoin des deux choses, les deux types d'engins sont complètement complémentaires, et nous on pense que mettre fin à ça, il n'y a que 5 nations dans le monde qui ont des submersibles habités. Les autres nations ont décidé, elles, de moderniser et de conserver leur engin. Nous on a décidé, pour l'instant, de le mettre... au rencard. Bon, eh bien, on espère que l'appel sera entendu. Anne-Camille Bouillet, on peut s'offrir une plongée virtuelle avec un Nautile reconstitué dans l'exposition du muséum. Dans la première partie de l'exposition, bien sûr, on parle du Nautile qui est très très important. On a une maquette du Nautile et on a un dispositif qui permet à toute la famille de simuler une descente justement dans les sources hydrothermales pour aller récolter quelques petites crevettes. Les crevettes Rimicarytes, que connaît bien Bruce. On a réussi à faire un mix d'images réelles et d'images virtuelles pour donner un petit peu la sensation de plongée. On peut piloter les bras articulés du sous-marin pour aller... Il y a un pilote et un scientifique et les deux doivent s'associer pour effectivement descendre et puis ensuite piloter un bras mécanique et aller aspirer en fait quelques crevettes pour pouvoir les remonter à la surface. Oui, juste un mot sur l'utilité du Nautile. Hein. Le Nautile a dans son CV, hein, et on ne compte plus les interventions qui sont hors du champ scientifique, mais pour aller, par exemple, intervenir sur un certain nombre d'épaves. Alors, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui le naufrage du pétrolier Prestige au large de la Corogne en 2002. Il y a un submersible qui est allé boucher les trous des cuves qui fuyaient, c'était le Nautile. Bon, il y a plein d'autres choses comme ça, le Paris-Rio, la recherche de l'avion écrasé, j'en passe. C'est des meilleurs. Et encore, il y a encore récemment, il y a quelques semaines de ça, la recherche d'un sous-marin qui avait coulé au large de Toulon, la Minerve. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a aussi une utilité stratégique en fait. Ouais. Bruno David, un dernier mot sur cette exposition. Vous êtes biologiste marin, vous êtes à la tête du muséum. Cette exposition devait vous tenir particulièrement à cœur. Oui, bien sûr. Et puis, cette exposition, je l'ai pensée comme un vaccin contre l'indifférence. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer la beauté de l'océan, la beauté de cet océan méconnu que les gens ne connaissent pas. Et j'espère qu'en sortant de l'exposition, les gens seront plus sensibles, plus réceptifs à la nécessité de préserver ce magnifique environnement. Et je terminerai par une citation d'Aristote qui disait « Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». Et je rajouterai peut-être une quatrième, ceux qui vont sous la mer. Merci Bruno David. L'exposition Océan, une plongée insolite est à visiter dans la grande galerie de l'évolution du muséum à Paris. Merci à nos amis de France Bleu Bourgogne pour le duplex. À la technique, il y avait Sarah Stark. Et merci à Serge Viguier qui était à la technique avec nous à Paris. Tout de suite après le journal, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les évadés d'Alcatraz. Vous écoutez France Inter